enseigner Kenera Bajonse à UCB. Olingi épargne pas na bongo na yo, okende mosika te, UCB toujours meilleur. Comme ton femme d'affaires, passe à UCB gentil malade, et sa confiance à UCB. Solo na yo Olingi o senga credit bona bonheur na yo O se renseigne Kene na bajanse a UCB Olingi e parne bona bongo na yo O kene mosikate UCB toujours meilleur. Basenga ka kredi wapie Aisebe oh Akizo mabomba kambombo wapie Aisebe oh Isebe akomina barondise manyoso Aisebe oh Ok ina bakongo kutani Aisebe oh Ok ina poto poto kutani Aisebe oh Oleki na mongali okutani Aisebe oh Ok ina wenze okutani Aisebe oh Usebe na mono kwa lopango na yo Aisebe oh Usebe akotite na ba region Aisebe oh Usebe oh Usebe Usebe Aisebe oh Ok ina enfondo okutani Aisebe oh Oleki na chambala Aisebe, oh. Usebe akote fisano elenginyoso Aisebe, oh.